Moi c'est Cookie. Moi c'est Vicky. Moi c'est Mickey. On est les Bogus Five. Deux fois par jour du bodybuilding, sans oublier les sœurs de brushing. Essayez des costumes sur mesure, tout ça c'est très dur. C'est dur. Et je m'entraîne à loucher des yeux, parce que ça fait un regard langoureux. De scène en scène, je chante plus fort.